écouter, chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bienvenue dans cette heure de diversité musicale. Je m'appelle Sophie Laforêt et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la prochaine heure. Et pour cette heure de musique variée, nous aurons en musique cette semaine The Flaming Lips, Noir Désir, The Walkman, Plaza Musique et encore davantage. Sans plus tarder, nous allons nous lancer vers un bloc anglophone. Tout d'abord avec la formation Yacht sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Lang. Lang. Well, you living wasn't easy, but at least the man was free. Free. Free to live his life the way he thought his life should be. Now the people don't have the power to change things anymore. The people don't have the power to change things anymore. Anymore. Anymore. Came a man round about the time when no one thought of owning land. It's land. Living wasn't easy, but at least a man was free. Free to live his life the way he thought his life should be. Now the people don't have the power to change things anymore. The people don't have the power to change things anymore. That's the difference between us. c'était la formation de Flaming Lips de leur nouvel album Embryonic, la pièce Convince of the X. Donc, cet album-là, c'est leur 12e album qui est paru le 13 octobre, soit mardi dernier. Et c'est une formation d'Oklahoma qui est active depuis 1983, qui fait dans l'indie rock expérimental. Et la pièce qu'on a entendue est très, très expérimentale, justement, très psychédélique. Pas évident à la première écoute. Et je vous dirais que l'album fluctue dans ces vagues-là avec des pièces qui sont tout de même plus accessibles parfois. Donc, un album à découvrir. Avant, on avait la formation de Slew, qui est plutôt le projet solo de Kid Koala. C'est le premier album qui est disponible gratuitement jusqu'au 1er novembre sur le site www.nufonia, donc nufonia.com. L'album s'appelle 100% et la pièce qu'on a entendue s'intitule It's All Over. Donc, cet album-là est paru en septembre dernier. Et au début de ce bloc, nous avions la formation Yacht, qui est active depuis 2003 avec la pièce Psychic City de leur album Sea Mystery Lights, qui serait leur 6e album paru en 2009. Donc, c'est le projet de Jonah Bechtolt, qui est originaire de Portland, en Oregon. Et donc, c'est un membre de la formation Deblo, ancien membre de la formation Deblo, qui est toujours une formation active. Et maintenant, Yacht est enfin un duo. Donc, Jonah est accompagné par la voix sexy de Claire L. Evans. Et donc, Deblo, qui est également une formation de Portland, en Oregon. Et aujourd'hui, étrangement, en faisant un travail, je lisais à propos de la ville de Portland, qui est la destination, ou plutôt la ville qui entretient le mieux ses espaces verts. Alors, c'était cette suggestion tourisme à Chérémy Coutu. Et donc, c'est ce qui complète ce bloc anglophone. On va se tourner dans une toute autre ambiance du côté franco. Tout d'abord, avec un extrait qu'on n'a pas entendu beaucoup du nouvel album de Yann Perrault, qui s'intitule « Le plus beau rêve ». Donc, on écoute ça sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Tu as la pureté d'une enfant et la dureté d'une reine. Je suis né en t'embrassant, zèbre perdu dans les plaines. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Ça sonne à la porte, mais je ne réponds pas. Je reste fixé à ton sein, océan de vibrations. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Tu m'as ton sein. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner maintenant et toujours. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner maintenant et toujours. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner maintenant et toujours. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner.

cinéma, le pari. Demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour, solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème. J'aime au Manhattan, le fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le pari. Ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Bien cadré, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au Paris? Cinéma, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au Paris? Rio de Janeiro, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Le couple de musiciens et chanteurs Amadou et Mariam, qui est un duo du Mali. Et sur cette pièce-là, on entend également Manu Chao, qui collabore autant à la production de l'album que comme ça en chantant sur certaines pièces. La pièce qu'on a entendue s'appelle Sénégal Fast Food, de leur cinquième album Dimanche à Bamako, qui est paru en 2004. Et ce couple malien a la particularité, en fait, d'être les deux membres de ce couple sont aveugles, donc quand même une particularité assez étonnante. Voilà pour cette petite anecdote. Et avant, on avait la formation française Noir Désir qui fait dans le rock avec la pièce Le vent nous portera de leur sixième album Des visages, des figures. Et Noir Désir qui a fait un retour plutôt discret le 12 novembre 2008 suite en fait à l'emprisonnement du chanteur Bertrand Cantat qui avait été emprisonné pour homicide involontaire envers Marie Trintignant, pour ceux qui se souviennent des tristes événements puisqu'elle avait succombé à ses blessures suite à une dispute de couple. Et donc un retour plutôt discret, donc avec une situation qu'on peut comprendre. Et il y a des rumeurs, en fait, pour l'album, d'un nouvel album qui est prévu pour la fin 2010. Donc, cet album-là était prévu pour 2009, mais comme c'est peut-être pas à point, donc ce serait pour la fin 2010, donc on va suivre ça. Et cette formation est active depuis le début des années 80. Et au début, on avait une pièce de Yann Perrault de son plus récent album « Un serpent sous les fleurs ». La pièce qu'on a entendue s'appelle « Le plus beau rêve », qui est une pièce que j'aime particulièrement de cet album-là. Et c'est une pièce qu'on n'a pas beaucoup entendue sur les ondes, là, peu importe de quelle radio. Et donc, cet album-là était paru en mars dernier. Et Yann Perrault sera à la salle Anaïs Allard Rousseau, ou plutôt à la Maison de la culture de Trois-Rivières, le 27 février prochain pour les intéressés. Donc, en fait, je vous rappelle que vous pouvez consulter également le blog www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir plus d'informations sur les artistes qui ont joué aujourd'hui, avoir la liste complète des pièces justement qu'on a entendues. Et donc, vous trouverez dans la colonne de droite le petit logo de l'émission. Et en cliquant, vous avez également accès au balado de diffusion d'émissions antérieures. Et puis, du coup, je vais annoncer que l'émission va maintenant être en rediffusion les vendredis de 10h à 11h sur nos ondes, donc sur les ondes de C'est fou. Et vous aurez la chance alors d'écouter Chérie, m'écoutes-tu deux fois par semaine. Et c'est une heureuse nouvelle, j'en suis bien contente. On va se quitter pour une courte pause et au retour, on revient avec un bloc anglophone. Vous êtes à l'émission Chérie, m'écoutes-tu avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou dans... C'est fou 89.1, la scène émergente. Formation de Walkman avec la pièce Underwater, qui est une pièce tirée de leur cinquième album You and Me, paru en août 2008. Et c'est une formation d'indie rock de New York active depuis 2000. Et donc, cet album-là est un excellent album pour ceux qui connaissent la formation. Moi, j'avais bien aimé leur deuxième album, Bows and Arrows, mais vraiment, ce cinquième album-là m'a plu davantage. Donc, pour ceux qui aimaient déjà la formation de Walkman, si vous n'avez pas encore eu la chance d'entendre ce cinquième opus, je vous invite à le faire sous peu, puisque c'est vraiment une belle découverte pour moi, ce cinquième album. Avant, on avait la formation de San Francisco Girls avec la pièce Morning Lights de l'album du nom de Album. Donc, ça peut être un peu, ça porte un peu à confusion, mais bon, c'est le titre de l'album et c'est leur premier album paru le 28 septembre dernier. Et donc, c'est assez difficile de faire une recherche sur cette formation, puisque en entrant Girls dans un moteur de recherche avec la mention Album, c'est assez difficile. Donc, on nous sort toutes sortes de formations féminines avec des albums. Donc, vous pouvez imaginer la recherche. Donc, vous pouvez trouver leur MySpace, je crois, qui est pas très compliqué. Donc, le myspace.com/girls. Et donc, ils seront également, ce que je voulais mentionner, au Il Motard le 9 novembre prochain pour ceux qui ont aimé. Donc, une petite salle fort sympathique de Montréal. Au début du bloc, on avait la formation toujours dans l'indie rock de New York, Cymbals Eat Guitars. La pièce qu'on a entendue s'appelle Indiana, tirée de leur premier album Why There Are Mountains, qui est paru le 29 septembre dernier, et c'est leur premier album également. Et c'est je me suis trompée, pardon, c'est pas leur premier album, puisque c'est une formation qui est active depuis 2005, à moins que ce soit tout de même leur premier album, même s'ils sont ensemble depuis 2005, ce qui serait possible. Donc, vous pouvez aller vérifier cette information plutôt floue que je viens de vous fournir. Et pourquoi pas m'en faire part via mon blog, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com, où vous trouverez de l'information sur les artistes qui ont joué aujourd'hui en cliquant sur l'icône Chérie M'écoutes-tu dans la colonne de droite. Donc, c'est ce qui complète ce bloc indie rock new-yorkais anglophone. Et on se tourne du côté franco avec des sonorités électro. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie M'écoutes-tu avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. l'architecture de l'instant. Forme les chairs dans les cours. Écrive le mot présent. Montre-moi. Montre-moi par où on commence. La belle, faisons-lui confiance. te fies, tu bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Et puis tu te folles, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Jamais deux à partir, y en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture. Tu partiras en sucette, mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore. Et puis tu te larves, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port. Il y a deux qui ronflent. Et petite fille devant il y a les pyramides. Et petite fille derrière le génie de la Bastille. Et petite fille à la droite l'arc de triomphe. On vient d'entendre Camille avec la pièce « Au port » de son deuxième album « Le fil » paru en 2005. Camille, qui est une auteure, compositrice, interprète française. Tout juste avant, nous avions la formation électropop de Montréal, Plaza Musique, avec la pièce « Fleurs de pluie » d'un mini-album du nom de « Accent ». Et ça nous rappelle, entre autres, cette grande dame de la musique, Mylène Farmer. La voix, franchement, ça nous rappelle beaucoup Mylène Farmer. Et au début du bloc, nous avions Jérôme Minière avec la pièce « Le présent » de son album « Cœur » paru en 2007, qui est son dernier album à ce jour. Et il sera en spectacle à l'Excentrice de Montréal le jeudi 12 novembre prochain. Donc, c'est ce qui conclut l'émission « Chérie, m'écoutes-tu ». Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve lundi prochain, 26 octobre à 18h. Et en attendant, je vais vous laisser en compagnie de mon collègue Frédéric Durand et son émission « Le voyage insolite ». Et nous, on va se quitter avec une dernière pièce, soit une pièce de la formation montréalaise Arcade Fire, la pièce « Une année sans lumière » de leur album « Funeral » qui est paru en 2004, qui était leur premier album. Et on a bien hâte d'avoir du nouveau matériel de cette formation. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter le blog, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir plus d'informations en lien avec l'émission. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et c'est Sophie Laforêt qui vous dit à la semaine prochaine. Et bonne soirée sur les ondes de CFOU 89.1 FM.